Pourquoi critiquer le célibat des prêtres ? Dans une tribune publiée le 21 août 2018 dans Le Monde, l'écrivaine Nancy Houston affirmait que le célibat des prêtres catholiques était la cause principale des abus sexuels commis par des ecclésiastiques. En conséquence, elle demandait au pape François de lever l'injonction au célibat des prêtres, car l'Église ne peut pas demander, je la cite, à des individus normaux une chose anormale. Les prêtres ne sont pas chastes, ils n'arrivent pas à l'être, il faut en prendre acte. La mise en cause du célibat des ecclésiastiques catholiques n'est pas un phénomène nouveau dans le débat public français. Au XVIIIe siècle, cette question avait déjà fait couler beaucoup d'encre, mais pour des raisons très différentes de celles d'aujourd'hui, comme nous allons le voir. À cette époque, la question qui agitait les esprits était d'ordre démographique. Montesquieu fut l'un des premiers philosophes à alerter ses contemporains sur les risques que présenterait l'affaiblissement de la natalité pour ce qu'il appelait la propagation de l'espèce humaine. La dépopulation de l'univers est abordée dans le dernier tiers du livre 23 de l'Esprit des lois. Selon lui, les principes de la religion ont énormément influé sur la propagation de l'espèce humaine. Tantôt, ils l'ont encouragé, comme chez les Juifs, les Mahométans ou les Chinois. Tantôt, ils l'ont entravé, comme ce fut le cas chez les Romains devenus chrétiens. Ces derniers n'ont cessé de prêcher partout la continence. Mais il s'agit là d'une vertu tellement parfaite, ajoute Montesquieu, qu'elle ne doit être pratiquée que par très peu de gens. Le célibat ascétique, chrétien ou non, a séduit les hommes parce qu'il réclamait un effort. Voilà pourquoi il devrait être conseillé au lieu d'être prescrit, comme ce fut le cas dans les premiers temps du christianisme. C'est ce raisonnement qui le conduisit à s'attaquer aux gens non mariés, et tout particulièrement au célibat ecclésiastique. Montesquieu estime que les prescriptions et les institutions de l'Église catholique sont autant d'entraves à la multiplication des hommes. La Baumelle, un homme de lettres de la même époque, ira encore plus loin que Montesquieu, en s'efforçant de quantifier la perte d'habitants qu'aurait entraîné le célibat monastique. Il en conclut que la population française, qui était de 20 millions de personnes en 1750, en aurait compté 10 millions de plus sans l'obstacle du célibat religieux. Les représentants de l'Église catholique répondirent à ces attaques en dénonçant l'impiété de ceux qui étaient obsédés par la propagation de l'espèce. Selon eux, il s'agissait là d'une offense faite à Dieu, car lui seul est le maître de la multiplication des êtres. Et c'était aussi une manière de déshumaniser l'homme en le rabaissant à la condition animale, à l'état d'étalon. Diderot reviendra sur cette question peu de temps après en dénonçant à son tour l'extension nuisible des grands corps de célibataires que produit indûment le célibat monastique. Estimant que le célibat imposé aux prêtres est une simple affaire de discipline intérieure, il invite l'Église à le reconsidérer, ce qui lui permettrait de grossir le nombre de ses fidèles. Force est de constater qu'au XVIIIe siècle, le célibat des prêtres n'était jamais invoqué pour dénoncer les abus sexuels sur enfants, car cette forme de violence n'avait alors aucune visibilité dans l'espace public.